Notre monde est si vaste qu'il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et que la science ne cessera jamais de nous surprendre. Je science donc je suis, prends le micro pour vous offrir une fois par mois une dose de science, un format court pour satisfaire votre curiosité. Bonjour, ici Lorraine pour le Flash Science du mois. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux bruits inaudibles pour autrui que sont les acouphènes. Je fais partie des 30% de Français et Françaises adultes qui souffrent d'acouphènes. Ce sont des troubles auditifs. Un acouphène est la perception d'un bruit alors qu'il n'y a pas de stimulation sonore à l'extérieur. Durant cet épisode, nous allons essayer de comprendre comment notre appareil auditif en vient à nous jouer des mauvais tours. Ces acouphènes ponctuels ou continus peuvent être de plusieurs types. Cela peut être des bourdonnements, des pulsations, des cliquetis ou, comme moi, des sifflements d'intensité variable ou même le bruit des cigales. Pour comprendre les soucis des acouphènes, on va tout d'abord essayer de comprendre un peu mieux comment nos oreilles perçoivent les sons. Nous avons déjà abordé le thème des ondes sonores dans l'épisode sur l'effet Doppler ou sur l'harmonie. Je vous invite donc à les écouter ou réécouter si vous voulez plus de détails. Mais brièvement, un bruit est une onde qui se propage dans le conduit auditif jusqu'à faire vibrer les tympans. Le bruit provenant de l'extérieur fait vibrer successivement le tympan, trois petits os nommés les osselets, puis la cochlée, c'est la partie de l'oreille interne en forme d'escargot, avant d'atteindre les cellules ciliées. Ces petites cellules sont des cellules sensorielles avec des cils qui vont convertir le signal vibratoire en signal électrique et stimuler les fibres du nerf auditif pour transmettre l'information à notre cerveau. Maintenant, comment pouvons-nous entendre des bruits qui n'existent pas vraiment ? Les acouphènes sont un symptôme et non une maladie. Cela signifie qu'ils sont donc la conséquence d'un autre problème, qui est connu ou non. La présence des acouphènes survient généralement à cause de l'apparition de lésions ou de pertes de fibres du nerf auditif. Ces fibres, normalement, envoient de manière spontanée des messages au système nerveux. Si ce système est déréglé, le nerf auditif peut envoyer des messages parasites au cerveau. De même, lorsque l'on perd des fibres du nerf auditif, notre cerveau a tendance à compenser cette perte en surréagissant. La principale cause des acouphènes est la perte d'audition, souvent associée au vieillissement, que ce soit par la destruction des cellules ciliées, de lésions ou de perte de fibres du nerf auditif comme je l'ai dit précédemment. Puisqu'il y a moins de signal envoyé au cerveau, celui-ci va compenser, parce que pour lui c'est quelque chose d'anormal, et interpréter incorrectement un signal nerveux donné. Cependant, l'apparition des acouphènes peut être liée à beaucoup d'autres causes. Des problèmes dans le système auditif, l'accumulation de cérumen, des infections, la prise de médicaments, une neurodégénérescence, des problèmes vasculaires, ou encore, on en parle régulièrement, mais la surexposition au bruit de manière répétée. Ces différentes causes peuvent alors filouter notre système auditif et générer des activités anormales le long de la voie auditive. Il est extrêmement difficile de se débarrasser des acouphènes tout simplement parce qu'il n'existe pas de traitement pour les acouphènes spécifiquement, on ne peut traiter que la cause. Lorsque cette cause est externe à l'individu, par exemple une otite, on peut traiter cette otite et, de fait, espérer voir une disparition de ces acouphènes. Là où c'est plus compliqué, c'est dès lors qu'il y a disparition de fibres sur le nerf auditif ou destruction de cellules ciliées, on sera obligé de vivre avec. Selon le degré d'importance de ces bruits, cela peut engendrer des handicaps sévères dans la vie quotidienne des personnes. J'enregistre ce podcast alors que j'ai un sifflement continu dans l'oreille depuis un mois par exemple. Cela peut conduire entre autres à des difficultés à l'endormissement, des problèmes de concentration, des pertes d'équilibre, des états de dépression aussi, ou même de l'anxiété. Heureusement, il existe des aides pouvant pallier ces problèmes d'audition. Par exemple, des prothèses auditives qui vont venir atténuer les bruits, de la thérapie sonore qui consiste à obliger un patient ou une patiente à se focaliser sur un bruit réel pour éviter d'entendre les acouphènes, ou encore de la thérapie cognitivo-comportementale pour apprendre à mieux vivre avec ces acouphènes. Flash Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve bientôt pour un nouveau sujet de science. Protégez vos précieuses oreilles pour écouter nos prochains épisodes sereinement. Si vous avez encore des questions sur les acouphènes, des réactions à nous faire parvenir ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode.